Chapitre 4. Pourquoi ne pas prendre Zigomar ? Quelques jours plus tard, Paulin Broquet et ses lieutenants discutaient, après dîner, sur les derniers événements. Gabriel osa dire « Chef, vraiment, il y a des moments où nous ne vous comprenons pas. »« Ah ?» fit seulement Paulin Broquet. « Oui, et nous avons même entendu dans le public dire que vous laissez trop facilement échapper Zigomar, vraiment. Vous le tenez, vous pouvez le prendre. » Et il vous glisse dans les doigts. Ou bien, dit Paulin Broquet, lui coupant la parole, il s'échappe dans une gerbe de feu, dans une explosion de dynamite, comme un héros de Ferry. J'ai entendu aussi critiquer ma façon de faire. Un reporter même, tout dernièrement, m'a dit en plein nez qu'à son avis j'étais trop naïf, que j'aurais dû depuis longtemps venir à bout de Zigomar, que lui, à ma place, en 3 jours, il eût bouclé le bandit. J'ai fort goûté la confiance en soi de ce jeune reporter et admiré son inconscience, car cette grande habileté consiste, jusqu'à présent, dans chaque affaire dont il s'occupe, à nous demander des tuyaux et à les reproduire tant bien que mal. Et je pensais au vieux fabliau français de Grosjean, voulant remontrer à son curé. Puis, jetant sa cigarette éteinte, pour en rouler une autre, Paulin Broquet reprit. « Oui, Zigomar me glisse des doigts, c'est vrai. Mais c'est un admirable adversaire, et s'il m'échappe, je le reprends, ce qui n'est déjà pas si bête. Puis, s'il m'échappe, c'est que j'ouvre les mains. C'est que je le veux. Pourquoi, chef ? Parce que j'ai promis à Miss Eden de lui rendre son enfant, sa darling adorée, et que seul Zigomar, sachant où est darling, si j'arrête Zigomar, comme il ne trahira pas ce secret, nous ne le saurons jamais, et l'enfant serait perdu pour la mère. Je comprends, chef. Je laisse aller Zigomar pour voir où il va, pour tâcher de découvrir enfin la piste de darling. Et je ne changerai ma façon de faire que quand j'aurai rendu Darling à sa mère. Ce jour-là, j'aurai recours à la merveilleuse habileté de ce reporter critique pour raconter l'arrestation définitive de Zigomar. Mais chef, depuis l'exploit de la péniche, nous ne savons où est Zigomar, s'il est mort, s'il vit encore. Paulin Broquet sourit. Toi, vous, c'est possible, pas moi, vous savez. D'abord qu'il n'est pas mort, Zigomar ne peut mourir. Comment a-t-il pu échapper à l'explosion ? Bien simplement. Cette péniche étant préparée pour les séances flottantes des aides, dans les parois se trouvaient des panneaux qui s'ouvraient facilement. Zigomar fit manœuvrer celui qui se trouvait derrière lui, et avec son conseil, il sauta à l'eau, se sauva, nous échappa, ne nous laissant pour nous donner le change que la cagoule aux aides d'or. Paulin Broquet ajouta, « La chasse à Zigomar continue. Que je trouve Darling et ce reporter exigeant sera content. » Mais cela ne semblait pas devoir se présenter de si tôt. Paulin Broquet, pour retrouver la piste de Zigomar, n'avait que la filière de Miss Eden. Il devait encore y avoir recours cette fois. Or, il n'avait pas été très facile pour Miss Eden de poursuivre son but et de surveiller constamment Zigomar pendant l'affaire du général Sobarov. Dans la journée, elle se tenait bien dans son petit magasin de journaux, partageant les heures de vente avec une brave femme qu'elle avait associée à son commerce. Elle devait cependant paraître au cirque et tenir son emploi, que pour la même raison, avec la même espérance, retrouver son enfant, elle ne voulait pas abandonner. D'ailleurs, dès la tombée de la nuit, tout commerce cessait dans la provinciale et si calme rue de Grenelle. Miss Eden n'aurait pu garder ouverte sa boutique sans éveiller la curiosité du voisinage. Elle se rendait donc au cirque, mais elle laissait là, dans une voiture automobile, des gens à elle qui stationnaient comme s'ils eussent attendu leur maître en soirée dans une maison donnant de ce côté. Un de ces hommes devait, à la moindre alerte, venir la prévenir. C'est ce qui se passa quand les aides enlevèrent le général. La représentation du cirque moderne finissait lorsqu'on annonça la tentative de Zigomar à la plus belle des femmes, qui remontait dans sa loge, ayant, comme d'ordinaire, fait ample moisson d'applaudissements. En hâte, elle s'enroula, comme il lui arrivait parfois, dans un vaste manteau. Il se jeta dans son auto qui l'emporta. À la représentation assistait non pas Paulin Broquet, mais l'ancien clown Simon. Voyant Miss Eden s'en aller précipitamment, le clown devina qu'un événement grave devait avoir lieu, et selon la consigne, ayant fait prévenir le chef, il se lança à la poursuite de la gymnasiarque. Paulin Broquet, toutefois, n'était pas pris au dépourvu encore ce soir-là. La mort s'était de garde aux environs de l'hôtel du général, et le détective fut, de son côté, doublement prévenu. Dès lors, la poursuite commença. Toutefois, les aides, se doutant de cela, sachant parfaitement que Paulin Broquet devait se trouver dans les environs, ayant peut-être vu la mort sous les autres hommes postés par le chef, eurent cette adresse, cette chance, de dépister absolument Amy Seddon d'une part, et d'autre part Paulin Brockel lui-même. Ils les dépistèrent si bien que pendant un assez long temps, Paulin Brockel, malgré le concours de Gabriel et de l'amorce, crut que Zygomar cette fois lui échappait complètement. Ce fut par un tour d'adresse inouï qu'il parvint à retrouver la piste de Zygomar. Mais il avait perdu beaucoup de temps, et quand il rejoignit la péniche, la séance était, comme nous l'avons vu, terminée. Le général était mort, emportant son secret. L'explosion avait ensuite eu lieu, projetant non loin les débris de la péniche. Mais depuis quelques instants déjà, Zygomar avait fui, ainsi que Thorn Twig, ainsi que son conseil et la plupart des hommes, qui, cessant de lutter pour la conquête d'un étroit panneau, se précipitèrent à leur tour vers la large ouverture par où Zygomar s'était sauvé. Paulin Brockel fut en cette circonstance, il faut le reconnaître, pris à l'improviste. Ses voitures, certes, étaient bien aménagées, mais elles ne l'étaient pas au point cependant de pouvoir contenir aussi toute une flottille de canots. Du bord du chemin de halage, Paulin Brockel fut donc obligé de regarder, sans pouvoir rien tenter, la plupart des aides qui s'échappaient à la nage. Quand enfin il trouva une embarcation, quand il put la détacher, la manœuvrer avec Gabriel et l'amorce, depuis longtemps l'explosion avait produit son effet. Il se heurta au canot de la péniche, détaché par l'explosion, et dans lequel un jeune homme sauta. Nous savons que ce jeune garçon n'était autre que Miss Hayden. Elle aussi avait perdu la trace de Zygomar, mais il eut la chance de trouver la piste de Paulin Brockel poursuivant Zygomar, et elle arriva peu après le détective, comme la péniche sautait. Paulin Brockel alors et la gymnasiarque n'eurent plus que la ressource de chercher parmi ses débris, ses planches. Les hommes du détective recueillirent quelques blessés, un ou deux cadavres, et le corps mutilé du général. Miss Hayden pêcha la cagoule de soie rouge, aux aides en or, qui flottait. Et croyant que celui qui gardait le secret qu'elle tenait tant à connaître était mort, elle se laissa aller à un accès de découragement dont Paulin Brockel essaya, comme nous l'avons vu, de la tirer par quelques mots d'espoir. Quand Paulin Brockel eut fouillé, autant que dans ces conditions il lui était possible, les bords de la Seine, il engagea Miss Hayden à rentrer chez elle, lui promettant de la tenir au courant. Lui, il continua ses recherches et se promettait de demeurer toute la nuit sur la Seine, attendant le jour. Miss Hayden, navrée, fatiguée, souffrante, céda à la prière de Paulin Brockel et se décida à regagner son auto. L'auto lui parut maintenant se trouver beaucoup plus loin sur la route qu'au moment où elle l'avait quitté, avant de sauter dans le canot. Mais peut-être était-ce une illusion. Dans la nuit, la notion des distances se trouble. Au-devant d'elle, le nègre se précipita pour la guider. Paulin Brockel, qui reconduisait Miss Hayden, la laissa le râler sous la garde du colosse noir. Lui, il revint vers ses hommes. Miss Hayden franchit donc, le cœur tout gonflé, en proie à mille tristes pensées, les 200 mètres environ qui la séparaient de sa voiture. L'auto, à ce moment-là, manœuvrait sur l'espace restreint qu'offrait le chemin sur lequel tout à l'heure on l'avait engagé pour aller plus vite. Le chauffeur voulait arriver à tourner dans la direction de Paris. Le nègre ouvrit la portière. Miss Hayden monta dans la voiture. « Pas un cri, pas un mot !» lui dit une voix qu'elle reconnut aussitôt. Pour ne pas, malgré elle, pousser un cri dans sa surprise extrême, Miss Hayden mit ses mains devant ses lèvres. Dans sa voiture, deux hommes, ruisselant d'eau, transis, se tenaient blottis. « Vous ?» put dire enfin la gymnasiarque, quand son auto démarra à toute allure. « Vous ?»« Oui, moi et mon ami, nous sommes là. » Riant d'un rire nerveux, il ajouta « Et ce grotesque Paulin Brockel, votre cher ami, qui va nous chercher toute la nuit. Ne craignez-vous pas qu'en fouillant ainsi la Seine, il attrape des rhumatismes? Ce serait dommage. » Après un silence, l'homme ajouta « Vous m'avez cru trépasser, n'est-ce pas? Et j'ai ce grand plaisir de constater, ma chère Ida, qu'à cette pensée, vos beaux yeux se sont remplis de larmes. » Miss Hayden gardait toujours le silence. « Séchez vos pleurs, lui dit cet homme. Si jamais je meurs, croyez bien que ce ne sera pas de la main de Paulin Brockel. D'ailleurs, je ne mourrai pas. Zygomar est immortel. » Au bout d'un autre long moment de silence, il reprit « Zygomar est immortel, mais il a joliment froid en ce moment. Nous claquons des dents. Jamais la Seine n'a été glacée comme ce soir. Il me tarde de prendre la bonne tisane bien chaude que vous allez nous offrir chez vous, à mon cher Tom et à moi. « Vous comptez venir chez moi ?» demanda enfin Miss Hayden. « Absolument. J'espère que cela ne vous déplaît pas. » Aucunement.